Chapitre 4. Au moment où Claire, habillée tôt et prête à sortir, mettait ses gants, sa belle-mère surgit. « Je vous accompagne au bain. » Elles échangèrent un regard pénétrant et descendirent ensemble. Au bas de l'escalier, Madame Gerbaud dit « J'ai oublié mon mouchoir. Allez devant, je vous rattrape. » Remonter en hâte, pénétrer dans la chambre de Claire, ouvrir ses tiroirs et sonder le traversin sans résultat, ne lui prit que quelques instants. Elle jeta, en sortant, un regard soupçonneux dans la rue. N'y vit rien d'anormal. Elle rejoignit Claire et toutes deux de nouveau croisèrent entre elles le même regard significatif où une défiance réciproque parlait. Feignant de faire tomber un pli à la robe de sa bru, elle vit Claire porter vivement la main à sa poche. « Bon, pensa-t-elle, elle l'a sur elle. » Il ne lui fallait plus qu'une occasion pour lui permettre de s'en emparer. Pendant le bain, ça serait facile, sans doute. Elle réclama une cabine à deux places, ce qui ne lui arrivait jamais. Claire, devant l'homme du comptoir, n'osa protester malgré sa répugnance. Pressentait-elle un piège et qu'un déshabillage complet allait la mettre à la merci de son ennemi? Elle se dévêtit avec une lenteur malhabile, ayant soin d'isoler ses effets sur une chaise à portée de sa main. Madame Gerbaud avait tiré le rideau de séparation, et comme il était court, on voyait ses gros pieds plats, aux doigts couverts de durillon et le bas de son mollet énorme. Elle entra dans sa baignoire, et Claire put se plonger dans la sienne. Cette promiscuité la choquait beaucoup. Jamais elle n'avait senti autant de répulsion pour sa belle-mère. L'idée de leur double nudité la rendait toute honteuse. Elle n'osait faire un mouvement dans l'eau, et ne tarda pas à réclamer un peignoir. Madame Gerbaud l'imita. Claire avait passé un jupon et se rassurait déjà, quand le rideau grinça brusquement, et la grosse femme en chemise, résolument, s'élança sur la robe suspecte et fouilla la poche pour en extraire le porte-carte. Elle le tenait. Claire indignée s'écria, d'une voix contenue par la peur d'un esclandre, « Comment osez-vous? Rendez-moi cela !» Madame Gerbaud la repoussa violemment. Déjà, elle avait regardé, vu la photographie de Nice et son nom. « Ah, très bien » ricana-t-elle. « C'est du joli. Il me semble que je connais ce visage. Et mais c'est notre suiveur d'hier. Ah, vous donnez vos rendez-vous au bon marché et vous gardez dans votre poche le portrait de vos amants. Rendez cela !» grondait Claire, suffoquée, les ongles en avant, mais elle n'attrapait que le vide, et l'autre escamotait le porte-carte en l'air comme dans un tour de passe-passe. Elle avait l'air hideux, ainsi dépoitraillée, avec tout ce qu'on voyait de sa monstrueuse personne dans la lutte. « Répondez » ordonna-t-elle. « Répondez, fille perdue, coureuse, drôlesse. C'est votre amant, n'est-ce pas? Un joli garçon, vraiment. Mais non, c'est impossible. Où l'auriez-vous connu? Parlez donc. « N'avez-vous pas honte, étant veuve, de salir la mémoire de votre mari? Ah, mon pauvre malheureux fils !»« Voulez-vous me le rendre ?» intima Claire, excitée par la défense à coups de bras de sa belle-mère et se jetant sur elle avec tant de violence qu'elle faillit la faire crouler dans la baignoire. Mais elle reçut à travers les yeux une flaquée d'eau brutale. Aveuglée, elle appa quand même le porte-carte et pour faire lâcher prise à son ennemi, elle la mordit cruellement au pouce. Madame Gerbaud étouffa un cri et abandonna le carnet. L'œil hagard, elle secoua en l'air son pouce meurtri. Tout à coup, les dents lui claquèrent et elle se mit à pleurer. Claire se rhabilla en hâte. Le sang-froid lui revenait. Elle avait une peur atroce qu'on ne les eût entendues. Bien qu'indignée, les sanglots de la vieille femme lui firent mal et avec un regret sincère, elle lui dit « J'ai eu un mouvement de colère. Je vous en demande bien pardon. » Madame Gerbaud ne répondit point. Elle poussait des gémissements bas comme ceux d'un enfant que la rage étrangle et cherchait ses vêtements sans les voir car les larmes troublaient sa vue. Claire lui présenta ses bas, son corsage et sa jupe. Elle lui boutonna même ses bottines, honteuse de l'avoir incapable de se servir de son pouce. Madame Gerbaud ne paraissait pas s'apercevoir de ses seins ni lui en savoir aucun gré. « Je vous demande encore pardon, » répéta Claire humblement sur le pas de la porte, comme elles allaient sortir de la cabine. Madame Gerbaud lui répondit à voix basse « Malheureuse !» et son regard enflammé, le dégoût de ses lèvres, accentuèrent l'insulte. si elle avait condescendu à un mot d'oubli. Claire lui aurait tout expliqué, se fût disculpée, avec ce besoin d'estime et cette horreur du mépris qu'ont les âmes nobles. Mais l'outrage la raidit, et il dédaigna de se défendre. « Si vraiment elle me croit coupable, pensa-t-elle, je ne resterai pas une minute de plus sous son toit. Je la méprise en ce cas autant qu'elle peut me mépriser. » Elle ne songea pas que les apparences la condamnaient. Dans la rue, elles ne se parlèrent point. Madame Gerbaud, la face contractée, tenait son pouce entortillé dans son mouchoir. Un instant, elle y regarda. La chair était violacée et la trace des dents s'y voyait. Claire eut toutes les peines du monde à maîtriser une crise de nerfs et de sanglots. Sa gorge se serrait affreusement. Rentrée dans l'appartement, sans même songer au déjeuner qui l'attendait, elle s'en fut dans sa chambre que la Bretonne était en train de faire. Sans se soucier d'elle, Claire retira de sa poitrine le porte-carte et le trouva si meurtri, souillé d'eau et déchiré, qu'une grande pitié l'étreignit. Une détresse enfantine en voyant le portrait de Nist tout gâté. Elle eut honte, comme s'il allait savoir ce qui s'était passé, et qu'elle dut lui rendre son porte-carte en cet état, avec des excuses. Pourtant, elle était fière et en même temps désespérée de l'avoir ainsi défendue. Elle ne s'était pas encore demandé comment sa belle-mère avait pu savoir qu'elle avait en sa possession ce carnet et qu'elle le cachait si bien. Elle revit toute la scène d'agression. Aurait-elle eu lieu sans le malencontreux porte-carte ? Au fond, sa présence sur elle était inexplicable, inavouable même. Ce n'était pas à elle, rien ne l'autorisait à le garder. Ses remords s'avivèrent, et elle comprit qu'elle devait se séparer de ce dangereux souvenir. Mais il eût été trop amer de le jeter. Puisqu'il appartenait à Nist, c'était à Nist qu'elle devait le renvoyer. Et pour agir très loyalement, se laver de tout soupçon infamant, elle devait mettre sa honte bas et raconter la vérité à Madame Gerbaud. Bien plus, elle la prierait de renvoyer elle-même ce porte-carte. Sa belle-mère, par là, se convaincrait qu'elle était innocente. Mais pour faire un pareil sacrifice, il fallait vraiment que l'idée de se voir méprisée lui fût insupportable. Tant mieux, d'ailleurs, si cela lui coûtait. Elle expirait ainsi la complaisance de ses pensées envers Nist. Ce bel accès de vertu lui fit chercher sa belle-mère dans tout l'appartement, mais la Bretonne lui dit « Elle est chez Madame Saint-Doux. » Claire redoutait cette amie de Madame Gerbaud, mielleuse, fausse, gonflée de venin froid. Elle se vit déshonorée auprès d'elle, se représenta les commérages indignés des deux femmes, et par fierté blessée, elle revira. Non, elle ne dirait rien à Madame Gerbaud, mais elle renverrait elle-même le porte-carte à Nist, et sur le champ. Elle l'enveloppa de papier blanc, le ficela, le scella d'un cachet de cire, pour éviter toute curiosité indiscrète, et sans mettre d'adresse, elle alla trouver la Bretonne dans sa cuisine. « Portez cela tout de suite rue Notre-Dame-des-Champs, 27. Vous demanderez, Monsieur Georges Nist. Vous le lui remettrez en main propre, sans dire de la part de qui vous venez. Il n'y a pas de réponse. » « Si l'on vous questionne, ne répondez rien. » La petite Bretonne tourna vers elle sa face rougeaude, aux yeux gris perçants et avec une expression de terreur. « Et elle, qu'est-ce qu'elle dira si je sors ?»« Allez, je le prends sur moi, » dit Claire. « Elle m'a donné mes 8 jours hier. Elle me le retiendra peut-être si je sors sans sa permission. » Et avec une expression rusée de connivence, qui mettait Claire au même plan qu'elle, et lui fit sentir son humiliante infériorité. « Ah, dame, c'est qu'elle est la maîtresse, voyez-vous » Elle obéit pourtant. Penchée à la fenêtre du 3e étage, pour la voir passer, Claire eut envie de la rappeler et fit un geste vague. Mais la bonne, tournant le coin de la rue, disparaissait. Alors elle se jeta sur son lit, sous les regards des Gerbauds en plâtre et en peinture, et elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré.